Prolonger un peu, parce que vous témoignez tous que vous avez, vous collaborez souvent entre vous en tant qu'agence collective, vous collaborez avec différents statuts et en fait ça n'empêche pas votre travail entre vous. Et donc on a quelques, en fait on aimerait bien que vous témoigniez les évolutions par rapport à cela, par rapport à les manières dont vous collaborez entre vous, dans les manières aussi dont vous représentez en tant que différents praticiens et les singularités que vous portez, comment ça a évolué dans le temps, qu'est-ce que vous observez aujourd'hui, si il y a des choses comme ça qui arrivent. Merci. Et peut-être juste du coup pour poursuivre et compléter, ce qui était aussi intéressant, c'est que d'une certaine manière, vous racontez que vous avez participé aussi de l'émergence de ces, en tout cas de une structuration de ces réseaux de collectifs. Et en même temps, vous racontez, parce que vous êtes passé de structure à d'autres, que vous participez aussi de ce refoutage, d'une certaine manière. Et donc, moi, ce qu'on disait avec Simone, c'est au fond, entre les rencontres dernières et puis les toutes premières rencontres entre vous, finalement, quels sont, est-ce que les termes du débat et des débats sont les mêmes? Est-ce que les termes des discussions sont les mêmes? Maxence, tu parlais de rupture, au fond, et tu dis... Ben, le terme de collectif, ça ne veut plus rien dire. Est-ce que c'est le terme de collectif qui ne veut plus rien dire? Est-ce que c'est simplement ces registres de rupture qu'il faudrait réinventer? Voilà. Comment vous voyez les choses par rapport à cela? Oui, je veux bien commencer. J'ai l'impression, et je le mets vraiment en partage parce que c'est direct, sans réflexion bien plus profonde que ça, qu'il y a ce fameux écosystème dont on parle, il y a en tout cas, il y a ce partage de vision, en fait on fait partie d'un monde de l'architecture, qui pratique, comme on l'a vu, sous différents statuts, différentes manières, etc. Mais il y a un monde particulier, une sorte de niche ou un endroit dans la fabrique de la ville qui se fait de cette manière-là, et où du coup on est à l'aise pour discuter entre nous tous ces sujets-là. Ce qui est d'ailleurs assez marrant avec UTC, parce qu'on s'est rencontrés à nos débuts respectifs, on s'est retrouvés sur ASOC, là, il y a un peu moins d'un an, donc c'est assez marrant de se rendre compte que finalement, moi ce que j'observe, c'est plutôt la recherche de la professionnalisation et des terrains de développement de toutes ces démarches. J'en parlais déjà tout à l'heure, on a cette question du terreau commun. Alors on a parlé de Bouchain, je pense que ça parle à beaucoup de monde, Gilles Clément aussi sûrement pour les paysagistes, etc. Mais il y a ces théoriciens en fait qui ont mis en place des choses aussi... on va dire les années 70, mais aussi construire autrement, typiquement le livre de Bouchain, c'est 2005, je crois. Donc du coup, c'est assez aussi fondateur, structurant, et on voit que là-dedans, il y a une certaine ouverture sur toutes les thématiques qui sont abordées dans ces questions-là. L'implication habitante, les notions de ressources locales, de réactivation du patrimoine vacant, etc., etc. Ce qui fait qu'on est toujours dans ces mêmes discussions et on est toujours peut-être dans la question de se dire comment on va développer tout ça, comment on le met en application et comment peut-être ça va commencer à être pour eux, mais pas dans notre petit monde à nous, dans le reste de la pratique de la fabrication de la ville, architectes ou non, les maîtrises d'ouvrage, les bailleurs, les promoteurs, etc. etc. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question que vous posez, mais en tout cas, pour moi, la notion de collectif, que ce soit le terme, celui-ci ou un autre, c'est plutôt un reflet d'un changement qui opère sur la profession, plus qu'une façon de faire ou de se revendiquer. J'ai eu l'occasion de faire un peu d'enseignement en première année sur l'exercice de masse ossature pendant les manifestations et le blocage de l'école. Et j'étais assez admirative de l'engagement des étudiants que vous êtes aujourd'hui, qui s'engagent dans des démarches au sacrifice presque, enfin pour certains, de refaire une année. Et nous, les valeurs qu'on avait quand on se disait, ben, en fait, on ne veut pas aller en agence parce qu'on veut monter un nouveau modèle. Ce modèle-là s'appelait collectif, il s'appellera peut-être différemment plus tard. C'était peut-être l'émergence de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, qui est de dire non à une profession qui devient complètement obsolète. Et je garde ça comme un avis personnel. Ouais. Ah, je sais pas comment rebondir à ça, mais en gros, j'ai, je pense que j'ai un regard un peu plus nuancé peut-être sur, sur les choses, parce que, enfin, bon, à titre personnel, en fait, moi j'ai travaillé en agence. J'ai eu un grand plaisir à travailler en agence. En sortant de l'école, je rêvais de devenir architecte comme les profs me l'avaient vendu à l'école. Et voilà, j'ai trouvé via des agences, avec tout ce que ça comporte, ce qu'elle comportait de négatif, mais comme en fait n'importe quelle structure, un plaisir à dessiner, à concevoir, à collaborer, à être dans le collectif. Alors certes, sous une hiérarchie qui était pas celle que je connais aujourd'hui dans le cadre du collectif, pourquoi pas, mais pour autant, il y avait de la collaboration, il y avait du dialogue avec des métiers autres, ingénieurs, enfin voilà, tous les corps de métier qui font la construction aujourd'hui. Et bon, j'avais des manques, mais aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que, en ayant passé ces deux années au sein du collectif Pourquoi Pas, je retrouve en fait les mêmes écueils que je retrouvais dans le cadre de ma pratique salariée, assez confortable, mais finalement je suis aussi très confortable dans le collectif puisque je suis salariée aussi. Voilà, et en fait vraiment les mêmes écueils au niveau, peut-être pas des valeurs, mais du cadre dans lequel on est obligé d'exercer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est dans, on répond à des commandes, on doit faire un certain chiffre d'affaires à la fin de l'année pour arriver à maintenir nos salaires. On est dans des logiques commerciales complètement, mais qui ne sont pas du tout un gros mot. On essaye en fait de se débrouiller avec nos ambitions individuelles, collectives, individuelles d'ailleurs, qui ne sont souvent pas les mêmes en fait aussi au sein du collectif. Et voilà, et aujourd'hui, vraiment, notre réflexion, elle est-ce que vraiment il y a une si grande différence dans les pratiques, dans notre pratique, à nous en tout cas, on va parler de nous en tant que collectif, et une pratique d'une agence voilà, avec qui on partagerait les mêmes valeurs. Ma conclusion, elle est que pas vraiment. C'est-à-dire que... on se pose exactement les mêmes questions, que ce soit voilà, sont ressources humaines, administratives, stratégie, commerciale, etc. Et moi, je suis aujourd'hui assez persuadée que on peut, et je pense que ce serait notre ambition, en tout cas moi, mon ambition au sein du collectif, c'est de se dire que on peut tout à fait, faut pas avoir peur de faire des projets, pas avoir, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rejet aussi de cette pratique plus traditionnelle de la maîtrise d'œuvre comme incompatible en fait avec la mise en place de méthodes différentes. Mais moi aujourd'hui je suis assez persuadée que c'est pas incompatible, et ce serait pas plus difficile de faire de la maîtrise d'œuvre en insufflant des méthodes participatives, collaboratives, que ça l'est aujourd'hui de travailler dans le cadre d'une association qui est notre collectif, et de participer à des grands projets urbains, des grands appels d'offres dans lesquels on est tout aussi limité dans nos méthodes et dans nos actions que n'importe quelle structure. Donc voilà, c'est un regard un peu plus nuancé, voilà, ce qui est le mien, et qui, je ne sais même pas si c'est le même que Marie, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est bien pour ça qu'au sein du collectif, c'est des choses qui évoluent aussi. Je me disais peut-être, Edith, toi qui les observe, c'est les collègues, c'est ce que depuis le moment. Quel est ton regard pour commencer les évolutions? C'est vrai que y a quelque chose qui me vient, mais c'est plutôt une observation, mais... je ne sais pas trop comment dire, mais parce que l'un d'entre vous, vous avez dit que là, on a l'impression que là, on est dans le temps du floutage, de l'hybridation, etc. Moi, j'ai un peu l'impression, avec le recul, avec le fait que je sois extérieure et le recul temporel, que je me souviens des premières réunions auxquelles moi j'ai assisté il y a 10 ans, qui était donc ce qui a été appelé Super 8, qui était une sorte de rencontre de ces groupes, qui s'appelait collectif, et Il y avait, enfin, en tout cas, j'ai ressenti fortement un espèce de besoin de reconnaissance entre pairs, parce que je pense qu'il y avait quand même fortement l'idée de se démarquer, la prise de risque, la peur. Il y a quand même aussi une dimension qui plane autour de ça, qui est quand même la précarité de ces pratiques. Hein. Je ne sais pas si on va l'aborder, mais c'était quand même pas à mettre de côté. Et donc, il y avait, je trouve, beaucoup le besoin de s'identifier. Qui peut-être est aussi issu d'une tradition corporatiste du métier d'architecte. Il y avait, non mais c'est vrai, il y avait des tables rondes pendant les Super 1000 qui étaient, bon alors on monte la fédération ou la corporation et collectif d'architecture, parce qu'on est vraiment, parce que il faut qu'on se fasse reconnaître, il faut qu'on se fasse aider, il faut qu'on soit reconnu, et il n'y avait pas de marché aussi. Il y avait très peu de marché, et très peu de commandes. Donc il y avait quand même beaucoup ce besoin, et je dis il y avait, mais en vrai je ne sais pas à quel point il n'y a plus, parce que les dernières rencontres que j'ai fait cette année, il y avait encore beaucoup ces désirs, besoins, ou en tout cas attirance pour la fédération, entre en tout cas la mutualisation d'outils, la mutualisation d'outils, même d'outils, mais d'outils juridiques, de référence, de dire bon, comment est-ce qu'on est plus reconnu, on a plus de moyens, on monte au créneau sur des sujets, etc. Je dis juste ça parce que j'ai comme l'impression que peut-être que oui, il y a, enfin, à vous entendre, et je trouve ça très intéressant, qu'il y a ce floutage d'étiquettes, parce que finalement, voilà, c'est effectivement pas les étiquettes qui comptent, mais les valeurs, mais finalement, il ne faut pas oublier, voilà, le contexte dans lequel ces choses-là sont apparues et existent encore toujours aujourd'hui, et peut-être que justement, le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de structures qui se revendiquent de ces valeurs et beaucoup, beaucoup plus de commandes et de marchés ouverts à ces pratiques, nécessite aussi une re-singularisation et un réalignement de chacun de ces groupes et de ces pratiques pour dire voilà, moi je fais ça et pas. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Je ne sais pas si vous voulez réagir, si c'est peut-être. C'était pas trop en réaction avec ça, c'était plus pour répondre non, et pas de manière plus pragmatique à la question de départ sur comment on se croise aujourd'hui. Je vais juste donner un exemple, c'est enfin nous, le festival, on l'a maintenu, on n'était pas obligé, parce qu'en effet, ce que je disais, on est devenu une société coopérative, donc on répond à des missions, mais c'était à la fois une volonté de rester sur ce qui avait fondé la structure pour garder un peu cette essence qui disparaît assez vite quand on crée une entreprise avec du turnover. C'est aussi un moment où on se rencontre beaucoup, c'est un moment de liberté pour tout le monde et pour nous qui tenons le festival. Et c'est aussi le moment où il y a beaucoup de gens des collectifs qu'on a connus ou qu'on connaît qui viennent, on rencontre des nouveaux, des plus jeunes, ça permet de rassembler dans un espace. Donc en fait, tout ça, c'est un événement, ça spatialise, quoi. C'est vraiment très lié beaucoup à la compétence de l'architecte. Et puis un jour, moi je me rappelle, j'étais au bureau, puis je vois, c'est vitré, la salle de réunion, puis je vois plein de gens, je faisais quoi, c'est une réunion de bénévoles. Et en fait, non, c'était une réunion de groupement qui se montait pour répondre à un appel d'offres, parce que nos potes, ils étaient tous dans des structures différentes, collectifs parenthèses, plateau romain. Ils étaient en train de répondre à un appel d'offres, alors pas très classique parce que c'est pas encore hyper courant, mais c'était aussi pour répondre au cadre qui en fait existe. Et vraiment, il faut savoir aujourd'hui que la commande a beaucoup évolué, elle a ses travers, mais il y a beaucoup vraiment d'appels d'offres sur l'urbanisme transitoire. Nous, on a des missions de réemploi, on met l'urbanisme transitoire dans le réemploi. Enfin, vraiment, c'est des choses qui arrivent. Je me rappelle même il y a un projet là. En région parisienne, les Alpiano, qui étaient les anciennes usines Thomson, qui ont été faites par Renzo Piano, bon, ils ont rasé une grande partie pour faire une ZAC, mais dans l'appel d'offres, on nous demandait, c'était de la maîtrise d'œuvre, on nous demandait de prévoir un premier projet de maîtrise d'œuvre, et la deuxième phase était volontairement non définie, donc il y avait déjà une approche transitoire dans un appel d'offres de maîtrise d'œuvre. Après, on l'a dit aussi entre nous, il y a aussi des travers, c'est que par exemple, l'urbanisme transitoire porté par des architectes, c'est souvent construire des installations temporaires. Et en ce moment, c'est un peu la mode de dire « ouais, c'est temporaire, mais on vous dit pas quand on démonte, faites-le bien solide quand même. Hein, » Et puis avec des budgets d'urbanisme transitoire, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre à moins cher. Donc bon, pour nous, c'est un peu critique. Et en même temps, on se disait bah, « est-ce que ça montre pas aussi qu'on peut faire de l'architecture et en sortant de cette économie un peu gigantesque, qui est provoqué par des intérêts, des profits de majors avec des montants en millions, en fait, on sait faire une architecture pérenne, qualitative pour moins. Par contre, oui, bon, ça précarise les structures aujourd'hui qui bossent là-dessus, quoi. Mais en tout cas, je veux dire, ça évolue dans ce sens-là, et forcément, il y a des travers, et forcément, bah, il y aura d'autres réactions contre ça, comme tous les mouvements qu'on peut avoir, de dire, bon, bah, cette commande, elle ne va pas. Et je pense que faut pas, enfin, je pense qu'il y a tout, il y a des nouveaux cadres inventés, mais il y a, comme on le disait aussi, toute cette pratique un peu qui était alternative à pérenniser, pour ce qu'elle a de bien en tout cas. Et justement, rester présent et se battre pour pas tomber dans des travers. Et pour finir, il y a aussi enfin, un autre type de collaboration, notamment nous, comme on est rentré dans tous ces sujets de Renaissance d'Histoire et d'emploi par plutôt de la construction, enfin, les architectes qui construisent, les collectifs. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça, quoi, c'est les architectes qui construisent, qui dessinent. Bah, nous, on devient vieux, en fait, et puis on s'est structuré pour faire du conseil, donc en termes d'économie, en termes de logistique, de stockage, enfin, c'est plus facile. Donc en fait, on commence à collaborer avec les jeunes collectifs, à la fois pour parce qu'eux, ils veulent construire, que nous, on n'a plus trop les moyens de le faire, et en plus, ça permet aussi de, peut-être ce qu'on essaye de faire aussi dans ces moments-là, de témoigner un peu de notre parcours, qui n'est pas celui de tout le monde et qui n'est pas vrai pour tous, mais qui permet de dire, voilà, et de leur permettre de les aider aussi, un peu comme existe l'a fait avec nos générations, etc. Voilà.